Les rassemblements des ouvriers et syndiqués, des travailleurs agricoles et des membres de l'Union des travailleurs agricoles pour jurer d'appliquer à fond les tâches de programme précisées dans le message de Nouvel An par le dirigeant suprême Kim Jong-un ont eu lieu le 9 janvier à la fabrique de fils électriques 326 de Pyongyang et à l'arrondissement d'Unpa de la province du Hwanghae du Nord, en présence de Lee Il-fan, chef de département du comité central du Parti du Travail de Corée, des cadres du secteur intéressé, de la Fédération des syndicats, de l'Union des travailleurs agricoles, des ouvriers et des syndiqués, des travailleurs agricoles et des membres de l'Union des travailleurs agricoles. Les orateurs ont indiqué « Le message de Nouvel An du dirigeant suprême Kim Jong-un est le drapeau militant qui appelle tout le pays à opérer de nouveaux prodiges et mérites pour l'application de la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée par la puissance de l'unité monolithique et la force de la capacité de se renforcer par soi-même. » Tous sont invités à aller vigoureusement de l'avant selon le splendide projet d'édification d'une puissance socialiste défini par le 7e congrès du Parti du Travail de Corée, s'inspirant du message de Nouvel An.